la ku betelemu mono mona tu lebu tu ki la ku betelemu mono mona tu lebu tu ki la ku betelemu Thank you.